À l'occasion de l'anniversaire de la République populaire démocratique de Corée, l'Association générale des Coréens en Chine a livré le 8 courant un meeting commémoratif à Shenyang, Chine. Y ont pris part les cadres de l'Association générale des Coréens en Chine, les membres de la délégation de l'Association de la jeunesse coréenne en Chine, qui avaient participé à la 9e conférence de l'Union de la jeunesse socialiste Kim Il-sung et autres ressortissants coréens en Chine. Les participants ont adopté une lettre à l'adresse du maréchal Kim Jong-un.